Chapitre 25e. Merguez et viande froide. Ce soir, détente. Je passe un coup de fil au lycée de Sylvia pour la première que je vais venir la chercher. Tous les trois, nous rentrons donc de bonne heure de Marseille, histoire de profiter du calme de la soirée dans la campagne. Dans la voiture, Sylvia et Michaud font connaissance et parlent plus de cuisine que d'autre chose. Sylvia et moi, aidés de Michaud, installons la table de jardin, les chaises et le barbecue sur la terrasse devant la porte, sous les deux platanes centenaires. Une allée droite, bordée de quelques cyprès, conduit au corps de ferme orné d'une vigne grimpante. Je fais visiter la ferme à Serge qui s'en fout un peu, vu qu'il aurait préféré rester à contempler Sylvia qui lui a fait une très grosse impression. C'est le moins qu'on puisse dire. Il adore ses hanches et le galbe de ses jambes, je n'ai qu'à suivre ses regards. « Si j'en trouve une comme elle, me dit-il, je fais les pieds au mur pour la voir. »« Tu vois, c'est là que je garais le Dodge, » dis-je en montrant la grange. « Et la Chambord, elle doit s'ennuyer, tu ne t'en sers plus. »« Trop voyante pour l'instant. » Vers 19h30, Sylvia commence à sortir les olives, le pastis et les glaçons, sans oublier la bouteille de Glenlivet. Tous trois, nous sirotons notre apéro dans le calme du soir pendant que les braises se font. Michaud, qui a gardé le goût des merguez d'Alger, compte bien se régaler. Soudain, une voiture déboule à fond les ballons dans le chemin. À une vingtaine de mètres du groupe, elle freine dans un nuage de terre et de cailloux. Un homme en descend et fait feu plusieurs fois sur moi qui n'ai pas le temps de me mettre à couvert. Sylvia hurle de peur. Michaud, dans un réflexe appris des centaines de fois, plonge à terre et tire à son tour. L'homme, touché, fait un soleil arrière et s'immobilise. Ses jambes sont agitées de tressautements nerveux, puis plus rien. Pendant 5 ou 6 longues secondes, personne ne bouge. Puis je me précipite sur Sylvia. « Non, je n'ai rien. T'en fais pas. Et toi ?»« Non, il m'a raté. Michaud, ça va ?»« Oui, oui, je l'ai eu. Bah merde alors !» Je me rends près du blessé, munis de mon arme au cas où le sournois voudrait nous baiser dans un dernier sursaut. Mais la balle de Michaud lui a arraché la carotide et son dernier râle glou-glou dans un bouillonnement de sang. Juste au moment où je me relève, un Dodge fait son entrée à vive allure sur le chemin. À 10 mètres, il s'arrête, moteur tournant. Michaud met le pare-brise en joue, tout comme moi qui tient cette fois mon arme à bout de bras. Par-dessus la carrosserie, une jambe apparaît, puis le corps d'un homme qui saute à terre sur cette même jambe. L'homme, sans se presser, sans crainte apparente, sort une béquille de la cabine et se dirige vers nous trois. Sylvia ne peut réprimer un frisson à la vue de ce visage, dont une moitié semble avoir été tirée vers l'oreille comme un masque de terre glaise inachevé. « Gino, c'est moi, Mertens. Ne tirez pas. Tu te souviens de moi ?» En passant devant le corps à terre, il le touche de sa béquille et fait mine de cracher dessus. Arrivé près du groupe, ses yeux seulement disent qu'il sourit. « Qui a tiré ?» demande-t-il. « C'est moi, » répond Michaud, surpris par la question. « Bravo, vous ne l'avez pas raté. Attendez, il faut que je fasse quelque chose d'abord, après on s'expliquera. » dit-il, toujours en souriant des yeux seulement. Il retourne au camion et en sort un sac en papier marron. Profitant qu'il est de dos, nous le regardons tous les trois marcher vers le camion. Bien que très diminué, il se déplace avec une certaine aisance. Il revient vers le groupe et délaisse le cadavre de son arme en la saisissant avec un mouchoir. Il la glisse dans le sac qu'il porte. « Venez, » fait-il, « je vais vous expliquer. » Il s'avance et pose le sac sur la table de jardin et en sort un pistolet. « Ça, c'est à toi, » me dit-il. J'inspecte l'arme et reconnais effectivement mon pistolet. Puis il enlève le chargeur du pistolet du meurtrier et le remplace par un autre chargeur plein. « Mais il n'y avait que des balles à blanc là-dedans, » s'exclame Michaud en prenant le chargeur sorti de l'arme. « Ben heureusement que Charles est veillé. Sinon vous seriez tous morts, » fait l'autre en riant. « Ce comte s'en est même pas aperçu et c'est tant mieux parce que sinon on était mal. » « Bon, il a tiré combien de balles ?» Aucun de nous trois ne pense à réagir et se laisse mener par ce mutant qui nous est débarqué. « 4, » dis-je en contrôlant. « Il faut d'abord retrouver les étuis, » dit Mertens. « Allez, on s'y met tous les quatre. On a tôt fait de retrouver les étuis non loin du corps. » Mertens replace le chargeur plein et tend l'arme, toujours avec son mouchoir à Michaud. Tenez, vous qui tirez bien, restez à côté du corps et tirez 4 balles dans la direction de la table. Attention aux empreintes. Michaud prend l'arme dans le mouchoir et d'un regard demande silencieusement mon avis. Fais ce qu'il dit, Serge, ce n'est pas bête. Tâche-moi et encore trouve les balles. Michaud s'exécute. Putain, fait Mertens, t'as cassé la bouteille du pastaga. Voilà, c'est bien. Reste plus qu'à lui remettre le flingue dans la main et à téléphoner à vos potes les gendarmes. Sylvia tente de rassembler les bouts de verre et pousse un cri de douleur. Merde, fait-elle. Je me suis coupé. Laisse ça, malheureuse, c'est une pièce à conviction. Auparavant, Gino, tu devrais garer le Dodge dans ton hangar et fermer à clé. T'as vu s'il est beau? Il est tout neuf, je te devais bien ça. Effectivement, le Dodge est entièrement remis à neuf dans sa belle livrée kaki avec une belle étoile blanche sur le capot. Qu'est-ce qu'on fait, Gino? On téléphone tout de suite aux gendarmes? Ouais, vas-y. Il ne faut pas que le macabre refroidisse trop. Ça semblerait louche. Les gendarmes font les premières constatations à la lumière des torches et reçoivent nos témoignages. Mertens s'est planqué dans la pièce qui sert de salle de bain pour éviter les questions. La bagnole utilisée par Vernieu avait été volée. La première conclusion des gendarmes répond au scénario élaboré par Mertens. Il a tout de même fallu que j'explique brièvement les raisons qui avaient poussé Vernieu à commettre cette tentative de meurtre sur ma personne. Je leur laisse entendre également qu'il s'agit de l'auteur de l'assassinat de la route de Rogne. « Vous êtes blessée, madame ?» demande un brigadier à Sylvia dont la main saigne. « Non, ce n'est rien. Je me suis coupé avec la bouteille de pastis. »« Eh ben, vous l'avez échappé, belle. » »« Un peu plus, c'était une balle dans le poumon. » « De toute façon, fait l'adjudant de gendarmerie, je suis obligé de vous convoquer tous les trois demain pour signer vos dépositions. Après, je m'attends, comme de bien entendu, à être dessaisi de l'affaire, » ajoute-t-il avec un sourire ironique. Les relevés effectués, le corps emballé, après le constat du légiste appelé en urgence, les gendarmes quittent les lieux vers minuit. Nous nous retrouvons tous les trois dans le calme de la nuit, un peu déboussolés, au milieu du champ des grillons. Je vais chercher Mertens et reviens avec lui. Son sourire est d'autant plus émouvant qu'il faut une bonne dose d'empathie pour comprendre que c'est un sourire. « Eh les gars, on n'avait pas faim, moi j'avalerais un chameau !» s'exclame le ch'ti. Sylvia revient avec la bouteille de Glenlivet. « Après ça, il nous faut quelque chose de fort. »« Je suis content que tu sois vivant, mon pote, » dit Mertens en me tapant sur l'épaule. « Tu te souviens? Je t'avais dit que je ne t'oublierai jamais. »« Tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux que tu me racontes tout maintenant ?» Et pendant que les côtelettes cuisent, Mertens raconte son histoire. Quand je suis revenu dans le nord après l'Algérie, je n'ai pas trouvé de boulot, avec ma gueule de travers et ma patte folle. Alors j'ai fait un stage de mécanique générale. Et puis j'ai trouvé une place à Nice chez un gars qui employait de préférence des estropiés. Un matin, sur un vieux journal, dans l'atelier, je suis tombé sur un article qui parlait de l'accident de car de Lubey et de Guelmar. Je suis devenu comme fou quand j'ai vu que l'affaire avait été plaidée à Aix. J'avais un pote de la famille qui bosse à Aix. Je lui écris et lui demandais de se rencarder comme il pouvait sur ce Guelmar, à la mairie, au commissariat, où il voulait. Quand j'ai su que Guelmar habitait justement à Aix, j'ai tout plaqué sur Nice et je suis venu chez Dekert. J'ai trouvé du boulot dans une ferme à Puy-Ricard et j'ai fait le canard en attendant mon heure. Par hasard, un jour, en allant boire un coup dans un bistrot, j'ai trouvé où Guelmar bossait. Je me suis planté devant lui et quand j'ai vu que je lui faisais autant d'effet qu'un tronc d'arbre, je me suis dit que j'allais pouvoir m'amuser. À partir de ce moment, je venais tous les jours boire un coup et j'ai fait copain avec lui. Je me suis aperçu que Vernieu, l'autre connard, venait aussi le voir. Je leur ai prêté un peu de pognon et alors ils m'ont associé dans leur combine. Tu veux dire que tu as magouillé avec eux? Non, pas vraiment. Je faisais celui qui s'intéresse et qui file les ronds. Une fois, ils sont venus fourguer à mon patron une pelleteuse qu'ils avaient volée sur un chantier. Il n'a pas dit non, le fumier, vu qu'il l'a payé au cinquième de son prix. Il n'est pas tout blanc non plus, celui-là. Un jour, Vernieu me dit « J'en ai marre de ce Guelmar. Ça m'arrangerait bien qu'il abatte son bulletin de naissance. »« Pas de problème, » que j'ai dit, « on fait ça quand tu veux. » Après ça, un jour qu'ils étaient ronds tous les deux, ils m'ont raconté comment ils avaient bousillé, c'est ça qu'ils ont dit, ta femme et ton gosse dans la R8 de Gordini. J'avais juré de me venger, master. J'ai juré de te venger à toi, après ce que tu avais fait pour moi au bled. Tu comprends? Dans ces assassinats, je voulais qu'il y ait un peu de toi. Une fois, on a trouvé ta planque à force de te suivre avec une carte d'état-major. On est venu ici et Vernieu voulait t'attendre et te buter tout de suite. Je lui montais un cinéma pour tuer Guelmar avec le Dodge et te mettre les crimes sur le dos. On a donc décidé de te taper le camion et pendant que je le faisais démarrer, il a trouvé ton flingue dans la maison. Mais je lui ai dit que pour les balles, c'était pas la peine, j'en avais déjà. Mais comment vous avez fait pour rentrer? Tu rigoles? Ta baraque était ouverte à tous les vents. Sylvia a fait une mimique qui veut dire « T'es, tu vois, gros malin. » Bon, après j'ai mis au point l'écrasement de Guelmar avec le Dodge. Mais ce fumier de Vernieu voulait à tout prix lui mettre une balle dans la tête. « Pour faire bonne mesure, » qu'il disait, « et pour te mouiller un peu plus, puisqu'il avait ton pétard. » Avant de partir, je lui ai changé le pistolet avec un que j'avais acheté à un cave, et le Vernieu, il a vu que du bleu. Pauvre con. Il était tellement persuadé que j'étais demeuré qu'il ne se doutait de rien. C'est moi aussi qui mis la balle limée dans le chargeur, pour être sûr que l'autre n'allait pas en réchapper. Une fois la bagnole dans le ravin, Vernieu est descendu et l'a refroidi. Bon. Il en a profité pour lui piquer les quelques ronds qu'il avait sur lui. Tu savais qu'il avait glissé un billet dans la poche de Gelmar, un billet qui disait « Méfie-toi, Volpi veut ta peau, fais gaffe. » Ah non, si je l'avais su, je crois que je lui aurais éclaté la tête tout de suite. Mais dis-moi, pourquoi Bernu a-t-il volé les plaques ? Figure-toi qu'il pensait piquer la même Simca et lui mettre les plaques en limant le numéro de châssis. Tu parles que ça aurait marché, quand je te dis qu'il était con comme un balai. Mais j'étais content. J'avais bousillé Gelmar avec ton Dodge et j'ai laissé la petite R8 pour te faire un clin d'œil. Je t'aurais cru plus malin que ça. Mais on ne l'a pas trouvé tout de suite, Fada. Et tu n'as pas pensé que je risquais d'être suspecté ? Tu sais dans quelle merde tu as failli me mettre ? Pourquoi ? Tu t'es affolé pour rien ? Qu'est-ce que tu voulais qu'il t'arrive ? J'étais là. Je secoue la tête de droite à gauche. Punaise, ce mec n'est vraiment pas possible. Et après, qu'est-ce que tu as fait ? Bernieux s'est un peu calmé, et avec le pognon qu'il avait tapé à Gelmar, il a magouillé tant et plus. Ça l'occupait, et moi, j'attendais le bon moment pour le dégrouper. Il a voulu qu'on fasse croire qu'il avait été descendu comme Gelmar, mais tu sais bien que ça n'a pas pris. Il était con, ce mec, complètement barge. Avec San Lucas, il a monté une embrouille pour faire croire à son assassinat. Tu sais qu'il lui a cassé la tête une fois les photos prises et qu'il l'a foutu quelque part dans la nature, le flamenco. Ça a commencé à tourner au vinaigre. Avec les flics au cul, il a voulu précipiter ton assassinat et là, je me suis dit « Faut pas que tu te rates, Charlie. C'est toi qui es venu une nuit à 3 heures du matin. Ouais, avec Bernieux. Il voulait venir tout seul, mais je lui ai dit qu'il valait mieux que quelqu'un fasse le guet. Au moment où il allait fracasser la porte et faire un carnage, je lui ai glissé à l'oreille « Tirons-nous, il y a quelqu'un dehors qui nous a repérés. » Et on s'est barré. Mais au bout du chemin, il a commencé à gueuler parce qu'il n'était plus si sûr qu'il y avait effectivement quelqu'un. Il m'a traité de péteux, de bordi, et -5 on se tape dessus. Si je comprends bien, Sylvia et moi, nous aurions dû mourir cette nuit-là. Eh ouais, mon pote. Et cet après-midi, il est venu me trouver dans ma planque derrière Puy Ricard. J'avais qu'une seule peur, c'est qu'il me bute pour supprimer un témoin. Mais il n'avait pas suffisamment de couilles pour t'assassiner tout seul. Avant de partir, pendant qu'il pissait un coup, de la peur qu'il avait déjà, j'ai changé les balles. Et je l'ai laissé partir devant avec une bagnole volée. J'étais sûr que ça allait se passer comme ça. En fait, on a eu du bol. Mais non ! Je n'ai qu'une moitié de la tête, mais ça fonctionne quand même, la preuve. Et toi, tu sais que t'es recherché ? Pas de problème. Je vais me présenter spontanément, en faisant l'innocent. Qu'est-ce qu'on veut ? Vous savez, monsieur le juge, que je dirais, avec la tête que j'ai, tout le monde ne veut pas me fréquenter. Je suis obligé d'aller dans les rades où on me tolère. Et j'ai forcément de mauvaises fréquentations. Mais ça ne veut pas dire que je sois dépravé. Et puis, tu m'aideras bien un peu quand même. Tu m'as déjà sauvé la vie. En tout cas, je suis en mesure, moi, monsieur, de vous donner toute la bande avec laquelle fricoter Vergneux. Ça se paye, ça, non ? Michaud a écouté très attentivement tout le récit, mais il est très dubitatif. Dis-moi, Charlie, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu ne les as pas butés dès que tu les as retrouvés. Tu les avais tous les deux sous ta coupe. C'était simple, rapide et sans embrouille, non ? Pourquoi faire tout ce cinéma ? Attends. D'abord, je n'ai retrouvé que Gelmar en premier, et je ne savais pas comment le liquider. Je l'ai fréquenté en attendant le moment opportun, et par la suite, cerise sur le gâteau, j'ai vu se pointer Bernieux. J'avais alors la paire pour le prix d'un, ça méritait réflexion, non ? Et puis, tu pourras faire le même reproche à Gino. Pourquoi qu'il n'a pas tué Gelmar dès qu'il l'a retrouvé ? Tu crois que c'est si facile d'assassiner quelqu'un ? Bien sûr, tuer un type comme tu viens de le faire en légitime défense, ça passe. Mais buter un type, froidement, sans état d'âme, ce n'est pas si facile que tu le crois. Putain, fais-je. Quand il va falloir que j'explique ça au juge, rien que d'y penser, j'en ai froid dans le dos. La nuit est maintenant bien avancée. Mertens va rester dormir ainsi que Michaud. Ce n'est pas la place qui manque dans la ferme. Le lendemain, café sous les deux platanes devant la ferme. Aucun n'a vraiment dormi, car les stress que nous avons vécus se sont manifestés quelques heures plus tard, l'alcool aidant. L'affaire est terminée, Gino, me dit Michaud. Le difficile, comme tu dis, ça va être de faire avaler ça au juge Cassard. Écoute, on verra. Mertens risque une complicité pour le meurtre de Gelmar, mais qui va dire que c'était lui qui conduisait le Dodge ? Toi ? Alors on va tout mettre sur le dos de Vergneux et hop, finita la comédia. En tout cas, c'est vrai que tu oublies d'être bête, dit Michaud en s'adressant à Mertens. Tu ne méritais pas ça, tout de même. Tu sais que je n'ai jamais visité le Nord. Tu pourrais me servir de guide, non ? « Oh, mais ne t'inquiète pas, Serge, » dit Sylvia. « Nous allons veiller sur Charlie, n'est-ce pas, commissaire ?» Gino a toujours une âme de bon samaritain, un bel lot. « En tout cas, ton camion de mer, tu le vends, et tu donneras les sous à Charlie. Tu lui dois bien ça. » Comme les gendarmes s'y attendaient, l'enquête a de nouveau été confiée au SRPJ de Marseille. Mertens s'est présenté, comme il me l'avait promis, et expliqué tout ce qu'il pouvait livrer d'informations sans que sa culpabilité puisse être soupçonnée. En revanche, ses déclarations concernant la bande à laquelle grenouillaient Guelmard et Vergnieux nous ont permis d'arrêter un bon petit paquet de racailles et de contenter ainsi M. Ernesto Rojo. On a retrouvé le corps de San Lucas à côté de la calanque de Niolon, non loin de sa déesse complètement écrabouillée. Il paraît qu'effectivement, il jouait du flamenco comme un pro. Quel dommage. Michaud passe son concours de commissaire dans quelques jours. Quant à moi, j'essaie de prendre de moins en moins de médicaments. Je me suis mis au jardinage pour me détendre. De temps en temps, je bois un verre chez Gilda, mais ce n'est pas pour ce que vous croyez. Enfin, pas seulement. Je suis sûr que ce bar sert de plaque tournante à un trafic dont Rougeau est peut-être le commanditaire. Si je pouvais le faire plonger, celui-là, j'en jouirais pendant plusieurs jours. Un matin, Michaud me demande « Dis-moi, Gino, c'est peut-être indiscret ce que je vais te demander, mais qu'est-ce qu'il y a exactement entre Sylvia et toi ?»« C'est une amie que j'ai depuis que je suis tout minot. »« C'est une amie ou... Enfin, je veux dire, tu veux savoir si on couche ensemble, c'est ça ?»« Bah oui, excuse-moi. Hein. »« Disons que ça nous arrive quelquefois, mais c'est assez rare. »« Je ne me remarierai pas avec elle, si c'est ça que tu veux savoir, et elle, de son côté, n'y tient pas non plus. » Tu comprends, on se connaît trop bien. Il n'y a pas cette part de mystère qui... Mais pourquoi tu me demandes ça, au fait? Parce que Sylvia, elle me plaît, à un point que tu ne peux pas imaginer. Tu sais, je trouve que c'est comme dans la chanson de Brassens. Tout est bon chez elle, il n'y a rien acheté. Eh ben, pourquoi tu lui dis pas? Nous sommes tous les trois majeurs et vaccinés. Mais je ne veux pas entrer en conflit avec toi, c'est ce qui me retient. Il ne faut plus que ça te retienne. Tente ta chance, collègue. Sylvia ne m'appartient pas. Elle est assez grande pour décider par elle-même de ce qu'elle veut faire de sa vie. Je te préviens seulement que si tu la rends malheureuse, tu auras affaire à moi, c'est tout. Sylvia a obtenu un poste sur Aix et sa vie en est changée. Moins de stress, plus de temps libre et de nouveaux collègues dont il faut gagner l'amitié. Depuis quelque temps, elle a envie de faire un enfant, mais elle ne sait pas avec qui. Moi, je fais bien l'amour, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Mais si elle a un bébé, elle veut pour lui un père solide et responsable. Moi, je suis devenu tellement fantasque. J'ai besoin de me débarrasser de cette carcasse qui m'enserre et m'empêche de respirer depuis quelque temps. Je vais encore changer de look parce que j'en ai marre du perfecto. C'est lourd à porter, au propre comme au figuré. J'aspire à une philosophie zen, plus proche de la nature, genre peace and love. J'assiste à des réunions syndicales, je me lance dans de longs discours sur les interdits et la société capitaliste. Avant, j'avais pété un plomb. Maintenant, je n'ai plus de fusible. Tu vas voir que si ça continue, je vais aller taper la manif avec les lycéens, ouais. Faire un enfant avec Serge, pourquoi pas. Il a l'air doux et solide. Ce sera un bon père, peut-être. Songe Sylvia, le soir. Pendant que moi, je rêve de Gilda. Ainsi s'achèvent les angoisses de Volpi par Jean Darrigue.